sans l'été, je te ramène le soleil mais mon hiver. Dans le rap, tout jamais que j'y perds. Rai, t'as toujours la tête qui pète, frère. Tes raisons à faire la fête, guette. Des avant par centaines, du rock qui m'entraîne. Dans la rail, dans la rail, dans la rail, aïe. J'pars se prendre 2-3 rap pour la rail, dans la rail, dans ce médaille, aïe. Le soleil tape derrière le pare-brise. J'sais plus si c'est le rock ou ça qui m'éblouit. Mec, j'suis bien trop fly. Soucie que du code de la route. Mais je sais plus ce qui se passe. Je me soucie que du code de la coupe. Tout le monde au boulot. Tout le monde boit au culot. À la main, joint au carreau. Rien que ça, ride et ça fait fly. Ouais. Des riders d'été foncés. En été, j'ai la médaille. Tranquille, tes mains, on a le flow. Même en plein hiver avec riders, ouais, c'est chaud. Équipé de bouteilles et de bédos. C'est le rider d'été. Le rider d'été. Tranquille. Tes mains on a le flow, même en plein hiver avec Riders, ouais c'est chaud. Équipé de bouteilles et de vélos, c'est le rider d'été, le rider d'été. On roule à petite allure sur la côte. On s'arrête encore sur le bas-côté. On promis à repérer un décolleté. Rien que ça banane, rien que ça charge, rien que ça pillave et ça pédale. Bonne sirène du fuck, en fond sonore. Avec mes cheese fous, on s'évapore. J'commence à voir flou. Aïe, c'est hardcore. On rejoint les homies, rendez-vous pour le barbecue. C'est la ride. Les pas sont envoûtants, la chaleur est étouffante. Jusqu'au soleil couchant. Hey les gars, on se la fait chez moi ça. Allez, c'est parti. Arrêt épicerie, rhum ou whisky. Et c'est parti pour toute la nuit. Tranquille. Tes mains on a le flow, même en plein hiver avec Riders, ouais c'est chaud. Équipé de bouteilles et de bédos, c'est le rider d'été, le rider d'été. Tranquille, tes mains on a le flow, même en plein hiver avec Riders, ouais c'est chaud. Équipé de bouteilles et de bédos, c'est le rider d'été, le rider d'été. Arrivé dans la soirée, je me gare à proximité. Histoire de pas m'égarer quand je vais rentrer enivré. Oui mon homie, on a le flash dans la poche. T'inquiète pour les pitchs, on a les phrases d'accroche. Aïe désolé DJ mais je vais devoir te couper. Fais péter la funk et pousse le son à fond. Et là c'est l'évasion. Viens si je t'emmènerai au fond. Mais te fais pas d'illusions. Voilà je te présente ma ride Asmobile. T'inquiète à présent bitch, reste pas immobile. La soirée tranquille se passe et nos galères s'effacent. Chacun trouve sa place et chacun trouve sa tasse. La fin de soirée approchée, pas près de raccrocher. Complètement faillard, une envie de rider jusqu'à la playa. Envie de s'y poser mais pourquoi pas se baigner. On est explosé mais rider tout l'été. Tranquille, t'es moi on a le flow. Même en plein hiver avec Riders, ouais c'est chaud. Équipé de bouteilles et de bédos, c'est le rider pété, le rider pété. Tranquille. Tes mains on a le flow, même en plein hiver avec Riders, ouais c'est chaud. Équipé de bouteilles et de bédos, c'est le rider pété, le rider pété. Tranquille, tes mains on a le flow, même en plein hiver avec Riders, ouais c'est chaud. Équipé de bouteilles et de bédos, c'est le rider pété, le rider pété.